Section 45 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 10, 5e partie. Les États italiens dans la seconde moitié du XVe siècle, par Pietro Orsi. Stabilité relative dans cette période, Italie du Nord. On peut dire que l'organisation politique qui fut alors celle de l'Italie se maintint sans changement important jusqu'à la fin du Moyen Âge. La maison de Savoie était à cette époque représentée par les princes ou médiocres ou trop jeunes. Louis XI de France put facilement y établir une espèce de tutelle ou de protectorat, surtout après la mort de Charles le Téméraire, qui y avait toujours contrarié ses desseins. Plus faibles encore étaient les marquis de Saluce et ceux du Montferrat. Ces derniers appartenaient à la dynastie des Paléologues, qui avait succédé à celle des Aleramici. Il y avait aussi en Piémont une autre seigneurie, le comté d'Asti, dans la famille des Orléans, qu'il avait obtenue par le mariage de Louis d'Orléans avec Valentine Visconti, fille de Jean Galéas. Un des plus grands états de l'Italie était alors le duché de Milan. Après François Sforza, qui avait gouverné avec sagesse, son fils et successeur, Galéas Marie, 1466-1476, fut un monstre de cruauté et de débauche. Il mourut assassiné. L'héritier du duché, Jean Galéas, avait à peine 8 ans. Sa mère, Bona de Savoie, assuma la régence. Mais les frères du duc défunt conspirèrent contre elle. Le plus rusé et le plus ambitieux d'entre eux, Ludovic, surnommé le mort, réussit à se rendre maître du gouvernement, 1480. L'Ada séparait le duché de Milan du territoire de Venise, qui était alors l'état le plus fort et le plus riche d'Italie. Outre ses possessions italiennes, elle avait encore de vastes territoires en Orient. Elle y avait perdu l'Eubée, conquise par les Turcs, mais avait acquis l'île de Chypre, cédée à la République par la noble dame vénitienne, Catherine Cornaro, veuve de Jacques de Lusignan, dernier roi de Chypre. Après la mort du Carmagnol, la République avait enrôlé pour ses guerres de terre ferme les condottieri Erasme Guatemalata et Barthélemy Colleoni, qui d'ailleurs doivent leur renommer beaucoup plus aux belles statues équestres qui leur furent élevées à Padoue et à Venise qu'à leur succès militaire. Cet état, si vaste, était dominé par une seule ville, ou, pour mieux dire, par une seule classe des citoyens de la ville de Venise qui gouvernait en vertu d'un droit héréditaire. L'autorité, accaparée de plus en plus par une oligarchie, avait fini par se concentrer dans les mains du Conseil des Dix. Celui-ci manifesta toute sa puissance dans l'affaire si dramatique des Foscari. François Foscari était doge dès 1423. Sous lui, les guerres contre la Lombardie avaient porté les limites de la République jusqu'à l'Adda. Sous lui s'était élevée la merveilleuse façade du Palais des Doges. Sa longue et glorieuse carrière se termina par une fin tragique. Son fils Jacques, plus imprudent que coupable, fut condamné plusieurs fois et mourut en exil en 1457. Dans cette même année, le Conseil des Dix, où dominaient les familles ennemies des Foscari, invita le vieux doge à se retirer de sa charge. Celui-ci, ayant résisté à cette sommation, le Conseil des Dix le destitua. Il mourut quelques jours après. Tandis que Venise était à l'apogée, Gênes perdait sa puissance et sa liberté. Fatigué de discordes intestines, toujours à la recherche d'un protecteur assez puissant pour contenir les familles rivales, mais non encore résigné au pouvoir absolu, au milieu des orages et des révolutions, elle passait continuellement de la seigneurie des rois de France à celle des Visconti. Parmi les familles seigneuriales, celle des Gonzagues s'était assurée définitivement le domaine de Mantoue et s'était fait accorder par l'empereur le marquisat. Les Estes avaient fait de même à Ferrare, Modène et Reggio. Ils avaient obtenu le titre ducal en l'achetant de l'empereur pour Modène et Reggio, fief de l'Empire, et du pape pour Ferrare, fief de l'Église. Leur cour de Ferrare était une des plus splendides et des plus lettrées d'Italie. L'Italie du centre, Florence, Rome. À Florence, après la courte domination de Pierre, fils de Côme, les deux frères, Julien et Laurent, fils de Pierre, avaient concentré dans leurs mains l'administration de la République. Mais le pouvoir de cette famille était encore trop récent pour que les autres nobles de Florence eurent perdu l'espoir de la renverser. Ainsi s'organisa contre les Médicis une conjuration, celle des Pazzi. Elle éclata en 1478. Julien fut tué, mais son frère Laurent, quoique blessé, put échapper. Le peuple se souleva en faveur des Médicis, et les conjurés expièrent par la mort leur essai téméraire. Parmi les morts, il y eut François Salviati, archevêque de Pise, qui fut pendu aux fenêtres du palais de la Seigneurie. Le pape Sixte IV, qui avait favorisé le complot, lança l'interdit contre Florence, sous prétexte qu'en faisant pendre un archevêque, la République avait porté atteinte aux immunités ecclésiastiques. Pour faire la guerre aux Florentins, il se ligua avec le roi de Naples. Mais Laurent de Médicis se rendit à Naples, sut persuader le roi Ferdinand Ier et le détacha du pape. La guerre languit jusqu'au jour où la nouvelle du débarquement des Turcs à Otrante, 1480, décida le pape à conclure la paix. Dès lors, Laurent acquit dans Florence un tel ascendant qu'aucune résolution importante n'y était prise sans son consentement. Sans que son pouvoir fût réglé par aucune constitution, citoyen de nom, il avait déjà l'autorité et les manières d'un prince. Il sut étendre son influence non seulement sur la Toscane, mais sur l'Italie entière, en soutenant la politique de paix et d'équilibre inaugurée par Côme. Il mérita d'être surnommé l'aiguille de la balance politique d'Italie. On l'appela aussi le Magnifique. À sa cour, il accueillait avec une égale faveur Ange Politien, qui représentait l'art aristocratique, et Louis Pulci, représentant de l'art populaire. Homme de lettres lui-même, il était bien le souverain désigné pour ce foyer de lumière, pour ce peuple artiste. Toute la Toscane désormais dépendait de Florence, hormis les deux petites républiques de Luc et de Sienne, seul reste de l'époque des villes libres. Dans l'état pontifical, les papes songeaient à constituer d'une manière stable et sûre leur pouvoir temporel. Après la déchéance de leur autorité politique en Europe, ils avaient concentré toute leur activité sur les intérêts de leur principauté italienne. Par là, ils deviennent en tout semblables aux autres princes et se servent des mêmes moyens de gouvernement. La cour de Rome finit par être une cour mondaine, aussi peu scrupuleuse que les autres cours princières. Les papes, qui étaient généralement élus dans un âge avancé, confiaient le pouvoir à leurs parents, qu'ils faisaient riches et puissants. De là cet abus, connu sous le nom de népotisme. Ainsi, Sixte IV, après avoir prodigué des trésors à sa famille, se proposait de créer des principautés pour ses neveux, les Riario et les Della Rovere, et mit en feu l'Italie. Royaume de Naples, îles italiennes. Dans le royaume de Naples, Alphonse V d'Aragon avait fondé une nouvelle dynastie, mais il n'avait pu changer les tristes conditions du pays. Cette région, si longtemps bouleversée et dévastée par les guerres civiles et l'anarchie, ne se releva guère sous le roi Alphonse, quoiqu'il ait été surnommé le Magnanime par les savants qui remplissaient sa cour. Il mourut en 1458, laissant les états héréditaires d'Espagne, avec la Sicile et la Sardaigne, à son frère Jean II, et le royaume de Naples, qu'il avait conquis lui-même, à son fils naturel Ferdinand Ier. Celui-ci fut un véritable tyran, d'un caractère faux, orgueilleux et cruel. Il se fit haïr surtout par les barons, encore en grande partie dévoués à la maison d'Anjou. Son gouvernement fut d'abord troublé par une guerre qu'un nouveau prétendant de cette famille, Jean, lui suscita, et plus tard, par la célèbre conjuration et révolte des barons, 1485. Il les vainquit et feignit d'être généreux en leur pardonnant. Puis il attira traîtreusement à sa cour les chefs de la révolte et les fit mettre à mort. Quant aux îles italiennes, la Sicile et la Sardaigne devinrent, après la mort du roi Alphonse V d'Aragon, deux vice-royautés aragonaises. La Corse dépendait de Gênes, qu'il administrait par la Banque de Saint-Georges. Conclusion. La division politique de l'Italie était donc certainement moins grande à cette époque que deux siècles auparavant, car du chaos des petites tyrannies et républiques s'étaient dégagés des États relativement forts et puissants. On peut dire même que les États importants de la péninsule n'étaient qu'au nombre de 5. Milan, Venise, Florence, Rome, Naples. Aucun d'eux n'était assez fort pour rassembler sous une seule domination les membres épars de l'Italie, et chacun l'était assez pour empêcher qu'un autre pût accomplir la grande œuvre. Tous n'avaient donc qu'un seul et même intérêt, maintenir le statu quo pour jouir de la paix qui garantissait au moins la prospérité matérielle. Fin de la section 45.